Vendredi 11 octobre 2013, 17h30, vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour une autre édition de notre magazine dédié au 9e art. Et comme à l'habitude également, ben, les menus bien chargés comme on aime ici à La Vie en BD. Alors, beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions à l'horaire. Notamment, peut-être aviez-vous vu passer au fil des médias sociaux, peut-être vous étiez-vous rendu sur place. Les auteurs Marzena Sova et Sylvain Savoya étaient de passage à Québec au début du mois de septembre dernier. Évidemment, on a profité de leur passage à Québec pour les rencontrer, pour discuter, pour parler avec eux, tout particulièrement de la bande dessinée Marzi qu'ils développent ensemble. Alors, on vous proposera, on vous diffusera les résultats de cette rencontre en fin d'émission aujourd'hui. Donc, une longue entrevue, une belle entrevue avec ces deux auteurs presque au sortir de leur avion. Également, de passage à l'émission, Denis Rodier, donc auteur notamment qui donne dans les super-héros. Il a coloré, entre autres, Superman. Il donne également dans la BD à saveur fantastique ou médiévale, notamment avec l'apogée des dragons. Et il travaille présentement sur un projet de BD diffusé sur le web qu'il cherche à financer via la plateforme Kickstarter. Alors, quel est ce projet et pourquoi cette plateforme et qu'est-ce que ce projet a de particulier? Alors, on va en discuter avec lui tout à l'heure. Et dans quelques instants, on aura l'occasion de jaser avec le scénariste François Lapierre. Deuxième tome de La Bête du Lac qui est apparu chez les libraires tout récemment. Un deuxième tome fort attendu qui a été, à ce que j'en ai compris au fil du temps, un peu dans l'incertitude également. Et donc, on retrouve avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui a entouré la rédaction et la préparation de ce deuxième tome et les nouveaux éléments liés au scénario, entre autres, qu'on a introduit là-dedans? Et bien, on va en discuter avec l'auteur tout à l'heure. Alors voilà, c'est le menu pour aujourd'hui. Sinon, quelques actualités, BD, ben notamment on parle une nouvelle fois en fait d'adaptation au grand écran de bande dessinée. Cette fois-ci, ça s'en vient très très proche, on a déjà quelques images. Nouvel album d'Astérix qui sera adapté donc au grand écran. Il s'agit du Domaine des Dieux, le 17e album de la série. On s'en rappelle donc les irréductibles gaulois qui doivent faire face à une invasion romaine, un nouveau genre, leur village qui est menacé d'être encerclé par un immense développement résidentiel dans une tentative, si on peut dire, d'assimilation. Alors, ce sera adapté en animation, mais pas en animation traditionnelle. On parle d'animation en images de synthèse, on parle également de 3D, puisque c'est le nouveau gadget qu'on retrouve partout au cinéma, on peut pas passer à côté. En matière de réalisation, eh bien, on parle d'Alexandre Astier, responsable de la série Kaamelott que vous connaissez peut-être. Également Louis Clichy, qui lui figure au générique de quelques films des studios d'animation Pixar, donc c'est eux qui vont s'y coller côté réalisation. Côté voix, eh bien, on parle de quelques voix connues, celle d'Alain Chabat, celle d'Élie Samoun. On parle également de voix qui sont au rendez-vous de film en film, notamment celle de Roger Carrel, donc qui fait Astérix depuis les tout débuts, depuis 1960-quelques. Alors ben voilà, donc ça sera porté au grand écran l'an prochain. Sinon, autre actualité que je voulais vous mentionner, il y a un sondage qui a été fait en France de par l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, et j'ai trouvé intéressant, fait semble-t-il, qu'il y aurait seulement 56% des enfants de primaire et de secondaire qui lisent moins d'une fois par semaine, et à l'opposé, 14% n'en lisent jamais. Ici, on parle de bandes dessinées. 51% des enfants donnent la préférence aux bandes dessinées, aux romans dessinés et aux mangas. Donc, les supports de lecture qui privilégient l'illustration devant les livres pour enfants, 41%, et les magazines, 30%. Alors, la BD qui est toujours parmi les favoris des élèves du primaire et du secondaire, du côté de la France à tout le moins. Restera à savoir si c'est le cas également ici. Et voilà, petit extrait musical qu'on vient d'entendre à La Vie en BD. Groupe d'ailleurs qui nous suivra tout au fil de l'émission. Il s'agit de la formation Dracula Factory avec leur album Bouvet Island. C'est un extrait de la piste Flowers. Et maintenant, on a le plaisir d'avoir avec nous au bout du fil scénariste du tome 2 de La Bête du Lac, dessiné par Patrick Boutin-Gagné. François Lapierre est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et deuxième tome d'ailleurs, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un moment d'incertitude à savoir si ce deuxième tome apparaîtrait un jour chez les libraires. Ah, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé 2 ans entre les deux? Ou... À peu près, oui. En fait, j'avais presque perdu espoir, je dois l'avouer. OK, mais non. En fait, c'est en général, le marché de la BD présentement est un peu difficile. Les éditeurs préfèrent avoir des tomes qui se terminent en un, avec possibilité de suite sinon. Mais le temps, je pense que tout se mette en place. Ça a pris ça, mais effectivement, il s'est passé 2 ans. Idéalement, ça a été plus court. Mais moi et Patrick avons des horaires, disons, chargés. Donc, faut qu'on se trouve du temps les deux pour pouvoir embarquer aussi. Et si je me rappelle, l'idée autour du premier, par extension de la série, était un peu d'amener, de placer au Québec une histoire fantastique, de s'inspirer un peu des légendes d'ici, de la géographie d'ici, dans ce type de récit-là. Oui, mais moi, en fait, c'est mon... C'est ton dada, en fait. C'est ça. C'est mon dada. Je m'en dis mon cheval de bataille, mais mon dada, c'est quand même plus positif. Oui, c'est ça. Et je le faisais sur Sagana dans le temps. Je l'ai fait aussi pour Chronique Sauvage. Puis là, je le fais pour La Bête du Lac dans un Québec un peu plus moderne que ce que je faisais avant, même si on s'entend que ça se passe il y a environ 200 ans. Là. Mais oui, moi, je trouve que c'est un univers, le fantastique, au Québec, qui est relativement sous-exploité jusqu'à présent. Donc, je trouve qu'il y a matière à... C'est un beau terrain de jeu où on peut déterrer un paquet de trucs et inventer un paquet de trucs aussi. Il y avait tellement peu de monde au Québec dans le temps que personne ne peut me dire que ça n'existait pas. Ça. Exactement. En fait, il y a tellement d'étendues sauvages à exploiter, de forêts mystérieuses, de mythes qui les occupent. Alors, ça devient un peu une extension naturelle. Et je dois avouer, à part justement ce que tu nous offres de ton côté, il y a quand même peu d'auteurs qui avaient fait le saut vers ce type d'intégration-là. Et ça m'a toujours un peu surpris, de par le potentiel, justement. Ben, je suis d'accord. Je ne sais pas pourquoi si les gens préfèrent aborder les sujets qui, en général, je peux me tromper, hein, mais il y a beaucoup de. Je trouve que la bande dessinée au Québec, en général, quand ça se passe au Québec, c'est très urbain. Mm-hmm. C'est souvent la bande dessinée qui est urbaine, c'est parfait. Moi, j'adore ça aussi. J'ai habité à Montréal, donc j'aime ça lire des trucs comme ça. Ou sinon, c'est des trucs qui vont plus se passer en France ou. Mais le terroir québécois. Il y en a pas des masses. Il y a eu Tard dans la nuit de Voro, puis là je le sais qu'il y en a plein d'autres que j'oublie puis que je veux pas insulter personne là, mais c'est quand même un créneau qui effectivement est assez sous-exploité pour le moment, donc c'est le temps d'en profiter. et en même temps, j'aime bien l'idée en fait, parce que la série La Baie du Lac, comme beaucoup de livres, de plus en plus d'ailleurs, de bouquins qui se passent au Québec, sont aussi édités en France, en fait sous un autre titre, je pense que c'est Le Mangeur d'Armes de ce côté-là. Ouais. Mais déjà au premier, je pense que le côté régional, entre guillemets, avait été quand même assez bien accueilli de ce côté-là. Oui, il y a beaucoup plus d'ouverture aussi en France là-dessus. Je pense qu'ils aiment ça tant qu'ils peuvent comprendre ce qui se passe, autant que ça leur parle aussi, ça les interpelle, mais c'est universel, ça aussi, de se sentir interpellé par des récits, mais en général, les thématiques sont universelles aussi, donc ça, c'est pas nécessairement un problème. Fait que oui, ça a été bien accueilli. Mes fans d'Ouest ont effectivement décidé de reprendre la série à partir du tome 1 et de sortir les deux nouveaux tomes d'un coup, d'un trait, donc on va voir ce que ça va donner aussi. Et on espère que la réception soit tout aussi bonne que pour le one-shot premier tome qui est apparu il y a quelques temps. Et François Lapierre, justement, où on s'en était laissé après le premier tome, j'ai l'impression, en fait, on repart le deuxième exactement là où on s'était laissé. Donc, la bête est morte, une mystérieuse porte en plein cœur d'un lac, en plein cœur de la forêt québécoise. Reste à trouver une manière de l'ouvrir, cette porte-là. Ou de la refermer. c'est que... Les avis divergent dans les villageois pour savoir ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'on l'ouvre, voir ce qui se passe à l'intérieur? Ou il y en a certains qui disent, dont la vieille Adélaïde, que non, la bête, le monstre marin qui a été tué, c'est un gardien de la porte pour nous protéger de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, le tome 2 est un peu aussi axé là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On la referme parce qu'il y a quand même une brèche dans la porte. Mm-hmm. Ou on l'ouvre, mais les événements vont faire que les villageois n'auront pas le choix non plus de prendre position là-dessus. là-dessus. Oui, j'ai l'impression que c'est tout un tome justement d'anticipation. En fait, on est autour de la porte, il y a ce débat-là, il y a les combats autour de ça, et tranquillement, nous comme lecteurs, on ne peut que se demander justement, mais quelle est la bonne décision, puis qu'est-ce qu'il y a derrière la porte au bout du compte? Donc, il y a beaucoup d'anticipation là-dedans. Oui, puis c'est plaisant aussi à faire durer le plaisir et le suspense. C'est l'idéal, c'est de pas de le faire durer alors qu'il se passe rien. C'est d'amener des nouveaux éléments, des nouveaux trucs. Je pense que dans le tome 2, en fait, ça fourmille de nouveaux personnages et d'actions aussi. Donc, je pense que moi, en fait, personnellement, si j'avais le choix, mais le comme je disais tout à l'heure, le marché de la bande dessinée, il est plus difficile pour ça. Moi, je suis un gros fan de la série Bone aux États-Unis de Jeff Smith, je crois, l'auteur. Lui, il a pris, je pense, 10 albums pour camper ses personnages, étirer ses histoires, prendre le temps de raconter les trucs, de dévier de temps en temps. Puis moi, j'adore ça, ce genre de parti pris-là. J'aimerais ça faire ça avec La Bête du Lac aussi, mais les éditeurs, en général, il est mieux que les séries se terminent plus vite. Donc, je pourrais pas faire durer le plaisir de savoir ce qu'il y a dans la porte pendant 5 albums. Peut-être j'aurais perdu des gens aussi, là. On devrait le savoir assez vite. Et justement, à l'intérieur de ça, tu l'as mentionné, il y a beaucoup de nouveaux personnages, il y a beaucoup de nouveaux petits mystères, en fait, parce qu'il y a toujours l'équilibre entre le grand mystère et les autres plus petits dans desquels on a une réponse en cours de route. Mais il y a beaucoup de mythologie à établir aussi. Comment on compose un peu, justement, entre l'information qu'on doit diffuser et entre le fait, justement, qu'il faut qu'il y ait de l'action, qu'il faut que ce soit pas que de l'exposition, qu'il faut que les choses avancent, etc. C'est quand même un bon équilibre. Oui, c'est un bon équilibre. C'est sûr qu'il y a un peu de jonglage à faire là-dedans, mais dans le fond, faut bien se préparer avant, faut bien découper l'histoire. Si je m'étais lancé comme à l'improviste, dire, OK, on va faire ça à peu près, peut-être ça aurait été plus difficile, mais j'ai vraiment bien, au début, dit, OK, là, je veux telle action, telle séquence, je mets combien de planches là-dessus, c'est sûr qu'au fil du récit, je peux déroger, mais au moins pour savoir ce qui s'en vient. Puis parsemer ça de séquences d'action, parce qu'on se cache pas quand même, c'est une histoire fantastique avec de l'action. C'est une sorte d'héroïque fantasy qui se passe au Québec, en fait, là. Mais avec un, je dirais pas un côté historique, dans le sens que c'est pas campé historiquement tant que ça, mais avec des informations qui sont historiques aussi. En fait, j'avais envie de dire une historicité, peut-être. Oui, oui, tout à fait. Même, là, j'aborde le sujet des Celtes qui seraient peut-être venus au Nouveau Monde au 6e ou au 5e siècle, je crois, au 6e. Et dans le sens qu'il y a peut-être 50 ans, c'était la théorie que les Vikings soient venus ici, qui était très contestée. Maintenant, c'est prouvé. Mais là, la nouvelle théorie, c'est qu'il y a des Celtes qui étaient venus 500 ans avant les Vikings, sans nécessairement s'établir au Nouveau Monde, mais qui ont fait des aventures ici. Bon, c'est à voir. C'était peut-être aussi des moines ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même basé sur des théories qui sont réelles. Donc moi, je joue là-dessus. À partir de là, j'invente et je m'empêcherai jamais de faire un truc en disant « Ah, mais ça a peut-être pas existé. » Je prends l'exemple de la sirène. Une sirène, les gens qui disent « Ouais, mais en général, des sirènes dans les eaux froides, ça existe pas, c'est dans les eaux chaudes. » Moi, dans ma tête, premièrement, une sirène, ça existe pas, que ce soit dans les eaux chaudes ou dans les eaux froides. Fait que je m'empêcherai pas de la mettre en dessous de la glace pour un souci de crédibilité mythologique. Oui, ben en fait, j'ai même l'impression, d'une certaine façon, en fait, d'un côté, quand on part de base historique, comme tu le disais, pour le lecteur, c'est facile après ça de se raccrocher puis de plonger un peu dans l'univers qui est développé, puis dans la mesure aussi où les règles que tu mets dans ton monde fantastique sont claires puis que tu les suis. Après ça, bon, que la sirène allait dans l'eau chaude ou l'eau froide, ben, tant que c'est logique dans l'univers que tu nous proposes, ben, après ça, on est capable d'embarquer. Et le défi, quand on construit une mythologie autour de ça, comme tu le fais dans le deuxième tome, tout particulièrement, c'est de respecter ces règles-là et de pas nous perdre en cours de route non plus. Non, mais je suis d'accord. Quand on invente un univers ou une mythologie où il faut y être cohérent là-dedans, puis pas dire, ben là, subitement, ça fonctionne plus ou il y a d'autres choses qui arrivent. Puis c'est ça, il faut garder les règles qu'on a mis. Mais moi, à la base, quand même, je suis un gros fan de l'univers des contes. Donc, à la base, c'est un conte. Et je crois que les gens embarquent là-dedans sachant que ils vont se faire raconter une histoire sans aucune prétention de dire que c'est ça peut être réel ou ça peut avoir existé ou quoi que ce soit, vraiment. Il y a trop d'absurdité dans le récit aussi. Mais je dis ça, mais il y a de l'absurdité qui est quand même cohérente avec l'histoire et avec l'action et avec l'historicité, comme tu disais. T'sais, c'est pas, je sens pas des trucs de mon chapeau de magicien gratuitement non plus. Et j'aime bien que tu nous amènes sur le compte, François Lapierre, dans la mesure où c'est même complètement assumé dans le deuxième tome. On assiste, on entend, on écoute un conte et même à la limite comparativement à d'autres type de récit où on a un narrateur qui raconte l'histoire. Dans ce cas-ci, plutôt que de la raconter à une audience qui est dans le livre, il la raconte à nous qui lisons le livre. Oui, ça, j'avais pris cette liberté-là dans le 1. Puis j'ai décidé de garder ce personnage-là aussi. Premièrement, j'avais mis dans le 1, s'il disparaissait subitement, ça aurait peut-être pas été grave non plus, mais là, je vais le garder. Mais je vais le mettre de temps en temps. Je fais attention à m'imposer une liberté, en fait, scénaristique et de création, en me disant, peut-être qu'il y en a qui diraient que ça se fait pas. Moi, à une certaine limite, je m'en fiche, j'ai le goût de le faire, je le fais tant que ça ne vient pas nuire à l'histoire non plus, quoi que ce soit, tant que ça devient fluide aussi, ça amène peut-être une certaine fluidité, où sans être obligé de tout expliquer, il y a un narrateur de temps en temps qui intervient, qui semble faire partie du village aussi, donc peut-être qu'il raconte ça lui un peu plus tard ou quoi que ce soit, mais qui vient intervenir de temps en temps, puis des fois il est pas là, puis ça me cause aucun problème. Non, puis j'ai l'impression, en fait, des fois ça nous renvoie un peu à l'esprit des contes pour enfants, peut-être qu'ils s'adressent comme ça directement au lecteur, puis ça, à notre enfant. Ou je sais pas, en fait, narrativement, je trouve que c'est un ressort, un recours intéressant. Oui, ben moi, je suis très intéressé par ça, dans le sens que ben, quand je fais mes histoires et mes dessins, c'est plus flagrant, parce que mon dessin fait plus aussi compte pour enfants un peu, même si des fois l'histoire est plus sombre ou quoi que ce soit. Le dessin par lui-même nous rappelle qu'ils sont le lecteur se raconte une histoire ou un conte. Le dessin de Patrick, sans être réaliste, il est beaucoup plus étoffé et plus crédible, qui est quand même un peu plus réaliste aussi que le mien en tout cas. Donc là, peut-être que moi, en faisant ça en tant que scénariste, ça vient contrebalancer en disant c'est un conte, c'est une histoire, ayez du plaisir à l'aller, parce qu'en fait, la Bête du Lac, nous on le fait, moi et Patrick, pour que ça soit plaisant à lire et à regarder, que les gens aient autant de fun à la lire que nous on a eu à la faire, en fait, parce que ça a été éminemment plaisant à faire. Et tout ça dans un univers qu'on mentionnait tout à l'heure, qu'on fait grandir, qu'on élargit, dans la mesure où on passe dans le tome 1 d'un, je dirais, d'un presque huis clos de village qui était cantonné un peu justement aux personnages, aux habitants de cet endroit-là avec la bête et un peu ce qui entourait. Et là, subitement, il y a donc des nouveaux personnages d'Irlande, des peuples amérindiens, des gobelins, etc. Donc là, subitement, on sort un peu de ce huis clos, on change aussi de type d'histoire, d'ambiance d'histoire, enfin, j'ai l'impression. Oui. Puis tout à fait. Ça fait éclater la formule aussi, parce qu'effectivement, le 1, il semblait plus un huis clos avec un monstre un peu à la limite ambiance film d'horreur dans l'ambiance. La créature, on la voyait pas vraiment au début. Mais moi, j'aime beaucoup ça, cette idée-là, que chaque album ait sa personnalité, en fait. Sa propre personnalité, le 1, c'est effectivement un huis clos avec un monstre qui rôde dans le lac. Le 2, là, on tombe plus dans l'aventure ou dans la mythologie ou dans l'héroïque fantasy. Le 3, ça va peut-être plus dans l'horreur aussi ou quoi que ce soit. C'était déjà une manière d'aborder l'histoire que j'avais entrepris dans Sagana, qui était le tome 1, qui était beaucoup l'univers du conte. Et dans le tome 2, c'était beaucoup l'univers de la science-fiction américaine, avec un super-héros, le diable s'aiguisant en super-héros, un monstre qui faisait King Kong ou quoi que ce soit. J'aime ça jouer dans ces codes-là, pour que chaque album ait une entité en lui, même si ça fait partie d'une série, on s'entend. Et est-ce qu'on va attendre encore 2 ans pour le troisième ou on l'espère plus vite? Ah ben, il y a des chances que vous attendiez 2 ans. Parce que là, je vais commencer le scénario cet automne, mais Patrick, ensuite, il faut qu'il se mette au dessin, mais il y a un autre projet avant à régler. Donc, ça va être il va pouvoir s'y mettre durant l'année 2014. On va essayer, nous, de le terminer pour l'automne 2014. Donc, peut-être un an et demi. Et on vise un an et demi. Mais on sait que ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Puis, on a bien hâte d'embarquer là-dessus parce que, je le répète, ça a été très plaisant à faire. Alors, François Lapierre, ben merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Et à la prochaine. Ben oui, bonne journée. Salut. Salut. Alors, on parlait donc de ce tome 2 de La Bête du Lac, La Porte. C'est disponible chez Glénat. On prend une courte pause musicale, on fait une respiration musicale, toujours avec Dracula Factory. On revient tout de suite après. We'll be right back. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. On vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre via Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Également, vous pouvez réécouter les émissions via balado diffusion sur le blog wordpress.com, donc laviebd.wordpress.com. Alors cela étant dit, on est maintenant en compagnie au bout du fil de Denis Rodier. Bonjour. Alors, Denis Rodier, qui présentement est en train de planifier, de développer un projet qui s'appelle Maelstrom, un projet que tu cherches à financer via la plateforme Kickstarter. Alors, et d'ailleurs, en fait, de manière générale, qu'est-ce qui t'a lancé justement sur l'idée d'utiliser cette plateforme de socio-financement-là pour essayer d'aller d'aller chercher des sous pour ton prochain album plutôt que de préconiser les approches traditionnelles? Ben, je vois ça un peu comme une approche globale, puisque je fais aussi de la musique, puis en essayant, en voulant un peu de marier les deux concepts, je me disais que je devais prendre le plus de recul possible pour vraiment créer tout le concept, tout le monde narratif autour de ce concept-là, pour ensuite présenter un projet qui est comme un peu plus complet. Mm-hmm. Puis simplement dire, ben OK, j'ai de la musique, puis j'ai une bande dessinée, je présente une bande dessinée à un éditeur. Je sentais, de façon personnelle, je sentais que ça devenait un petit peu trop complexe. Pour mm-hmm. moi, c'était une façon aussi de prendre du recul, de voir le truc dans son ensemble, et de proposer peut-être des nouvelles façons de lire la bande dessinée. Oui, parce que d'une certaine façon, Maelstrom, c'est un projet qui est un peu hors norme, qui est dessiné, qui est pensé, puis qui est créé pour le web, et dans un contexte, comme tu dis, un peu multimédia. Ben, c'est-à-dire que je le vois pas comme uniquement fait pour le web, mais que la multiplicité des plateformes qu'on peut utiliser maintenant peut faire en sorte que oui, on peut avoir une lecture sur papier, mais aussi, bon, on peut l'avoir sur tablette mm-hmm. avec trame sonore. On peut l'avoir aussi, tout simplement en écoutant la musique, avoir une partie de la narration, faire en sorte que, sans que ça devienne non plus de la comédie musicale, entre guillemets, mais faire en sorte que sur les multiples plateformes, ben, on ait une richesse s'ajoute à l'expérience. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup dans la réflexion, d'ailleurs, quand on parle de livres numériques, de BD numériques, qu'on oublie parfois justement d'exploiter ces possibilités-là, ce qu'on tente peut-être un peu de reproduire l'expérience de lecture papier, mais sur d'autres supports. Oui, parce que ça ne doit pas devenir seulement qu'un enfant bâtard de l'animation, puis non plus faire, un diaporama d'une bande dessinée. C'est pour ça que en le présentant en premier lieu à un éditeur, il y aurait eu un formatage de la narration qui aurait été comme directement codifié sur papier et tout ça. Là, je me permets de prendre du recul et de conceptualiser de façon un peu plus large. Mm-hmm. Donc, déjà, seulement dans la construction de mes planches, j'y vais dans le sens oblong, dans le sens paysage, comme on pourrait appeler maintenant, ou est-ce que la lecture numérique sur tablette ou sur écran va être confortable, mais en combinant deux pages, ça nous donne une lecture d'une page verticale. Donc, c'est simplement prendre le temps de conceptualiser de façon un peu plus large. Bon, ensuite, en y ajoutant effets sonores, musique et peut-être même narration, on peut avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort tout simplement de la BD, mais qui se veut pas non plus un faux dessin animé. Mmh. Et en même temps, justement, l'idée du socio-financement, c'est de dire, voici le projet que j'ai, voici l'exploration que je veux faire. Est-ce que vous avez envie de la lire? Est-ce que vous avez envie de faire cette expérience-là avec moi, au bout du compte? Oui, puis une partie de l'expérience, c'est de dire, voulez-vous m'accompagner dans cette création-là? Parce que un des forfaits, si on peut appeler ça comme ça, de base, c'est de dire, en me suivant sur le web, section exclusive aux membres, je vais publier des croquis, des essais, peut-être des bouts de films qui me voient en train de créer cette bande dessinée-là, puis puis avoir un genre de d'échange, d'interaction avec le lecteur qui fait en sorte que au bout de la ligne, ben l'expérience, comme je disais, elle devient plus riche. Mm-hmm. OK? C'est pour ça que bon, on peut parler je sais pas si on devrait dire une bande dessinée 2.0. Ben pourquoi pas? Ouais, ben là, j'avais pas pensé à ça. Mais là, ça me vient à l'esprit comme ça, puis ben pourquoi pas? Puis c'est de se donner le temps de pouvoir explorer ces choses-là. Et l'histoire, en fait, pour mettre un peu en contexte, tout ça va s'intégrer dans une bande dessinée qui s'appelle Maelstrom. Ce projet-là nous amènera dans une histoire un peu de guerre, de science-fiction, de... Ouais, ben... Encore là, j'ai de la difficulté à vouloir la mettre dans un genre parce que je veux pas me peinturer dans le coin avec un truc seulement une bande dessinée d'histoire, seulement une bande dessinée de science-fiction, mais y aller me permettre quelque chose qui est un peu plus onirique, qui est moins dans un code souvent, bon ben on peut voir souvent la science-fiction comme étant un western avec des fusées à rayons. Mm-hmm. Mais là, je veux me permettre d'aller un peu plus dans l'imaginaire. C'est pour ça que je faisais référence même à des films comme Les Douze Singes ou même Inception. Mm-hmm. Parce que là, on ouvre la porte sans tomber dans de la pure science-fiction à la Star Wars. Ben, on a un univers qui est un petit peu curieux, puis on découvre toutes les ramifications du scénario à mesure que ça arrive, puis on découvre un nouveau monde. Puis c'est ce que je veux laisser comme porte, OK? On peut s'ouvrir puis découvrir un nouvel univers. Et ce projet-là, donc, financé en socio-financement sur Kickstarter, t'en as à peu près, au moment où on se parle, à la moitié de ton objectif. Ouais. Est-ce que t'as bon espoir que tu réussisses à l'atteindre? Je pense que tu t'es fixé à peu près 15 000 $ de financement. Oui. Ben, c'est difficile à dire. Je crois qu'il y a toujours un bon début, un plateau, puis ça monte vers la fin. Mm-hmm. Disons que c'est un gros effort de communication, je dirais, parce que c'est un concept qui est nouveau pour tout le monde, autant pour les gens qui contribuent, qui arrivent devant un truc comme ça, que pour ceux comme moi qui arrivent avec une création puis qui se disent « Ah ben, là, oui, OK, comment qu'on peut articuler ça d'une façon où est-ce que c'est simple et où est-ce que tout le monde peut y gagner? » OK? De là, il faut simplement, bon, espérer que les gens vont trouver de l'intérêt dans les forfaits que j'offre et ces choses-là. Puis, rien n'est fini avant que ça soit fini, de toute façon, même si ça ne réussit pas, pour moi, c'est un bon contact avec le lecteur. Je sens l'intérêt pour le projet. Mm-hmm. Puis on verra. Sinon, c'est pas comme si ma vie dépendait là-dessus. Mm-hmm. Mais l'expérience, pour moi, en vaut le coup. Et si on veut voir justement des extraits, il y a des bandes annonces, il y a du dessin, il y a les forfaits que tu as mentionnés, tout ça est sur Kickstarter. En fait, on cherche bande dessinée Maelstrom et on devrait la trouver assez facilement, ou même en fait Kickstarter Maelstrom Denis Rodier sur Google, on tombe directement dessus. Et on va suivre ça avec attention, évidemment, de notre côté, là, pour voir si justement l'objectif est atteint et voir justement comment cette aventure-là évolue. Oui, parce que si jamais, on ne rejoint pas le but, c'est évidemment très décevant, mais l'expérience en vaut le coup, mm-hmm. simplement pour exister, pour être là, pour dire, il y a peut-être d'autres façons qu'on pourrait explorer dans la manière de raconter une histoire. Ben, Denis Rodier, on te souhaite bonne chance. Ben, merci beaucoup. Et au plaisir. OK, à bientôt. À bientôt. Alors, je rappelle donc kickstarter.com, vous cherchez bande dessinée Maelstrom pour en savoir un peu plus sur cette proposition, donc faite par l'auteur Denis Rodier. On prend une courte pause à venir, Marjana Sowa et Sylvain Savoya. Un spectacle unique en son genre, de l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'impro BD. à la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessins, jeux, musique, un événement hors du commun. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers. Ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui, la bonne cuivrée au thé. Yeah! Arrête ça! Cuivrée au thé! Hey! Cuivrée au thé! Eh oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. Le Ciné-Club Spirafilm au Cégep Limoilou est de retour. Pour sa première soirée, voyez le long-métrage Manners of Dying, mettant en vedette Roy Dupuis. Le réalisateur Jeremy Peter Allen sera présent afin de partager son expérience de cinéaste. La séance sera précédée du court-métrage Tombé dans l'œil de Hugo Bellassen. Rendez-vous à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou le 28 octobre à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socio-culturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Spirafilm.com. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Et on a le plaisir de les rencontrer alors qu'ils sont de passage à Québec. Et à Québec, donc, notamment pour des dédicaces et autres activités. C'était une présence qui était attendue lors du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Finalement, des circonstances ont fait qu'on n'a pas pu les voir à cette occasion. Et donc, on se rattrape et on a le plaisir de les avoir avec nous. Sylvain Savoya, Magena Sova, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et on va s'intéresser. En fait, vous avez quand même quelques albums à votre actif, mais il y a une série qui a attiré un peu plus notre attention. C'est la série Margie. Donc autour justement de l'enfance de Magena. Qu'est-ce qui vous avait donné envie justement, il y a de ça déjà plusieurs années, de raconter comme ça votre enfance ou de voir Magena raconter son enfance? Je commence. Vas-y. En fait, je crois que Marzi est née vraiment de ma rencontre avec Sylvain. Je lui racontais tout simplement un jour, parce que maintenant je vis en France depuis plus ou moins 10 ans, je lui racontais un épisode de Noël. En fait, je parlais de la carpe de Noël, de la tradition en Pologne, de la tradition qu'on a d'acheter une carpe vivante, de la mettre dans... je m'embrouille. De la mettre dans une baignoire, d'acheter une carpe vivante et de la mettre dans une baignoire quelques jours avant Noël et de la tuer le soir de Noël, bien sûr. Et pour moi, c'était vraiment très, très exotique, cette histoire. Et je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout la Pologne, ou en tout cas très peu. J'en avais juste une expérience par l'actualité et par l'école. Mais la vie quotidienne des Polonais, ça m'échappait complètement. Et j'ai eu envie d'en savoir plus. Donc j'ai demandé à Magena qu'elle me raconte un peu plus son enfance. Et comme elle avait fait des études littéraires, qu'elle avait qu'une envie, c'était d'écrire, elle s'est mise à écrire et vraiment à rassembler ses souvenirs. Et ça a été un vrai travail de plonger dans sa mémoire et on s'est retrouvé très vite avec énormément d'anecdotes et d'histoires, de détails à raconter. Et c'était vraiment quelque chose de très très intéressant pour moi à mettre en image parce que j'avais jamais travaillé sur ce style de bande dessinée. Donc voilà, c'est parti de ça. Et il faut dire effectivement que quand on parle de la Pologne, on parle de la Pologne des années 80, en fait d'avant la chute du rideau de fer. Donc pour la France, pour la Belgique, pour le Québec, mais c'est une enfance qui peut sembler quand même, oserais-je dire, exotique, entre guillemets. Il y a cette particularité, mais inversement, j'imagine pour vous en Pologne, mais c'est votre enfance, mais c'est aussi celle de centaines de Polonais qui ont vécu une enfance comme celle-là. Donc il y a un peu un double niveau. C'est exotique pour nous, c'est ordinaire, c'est le quotidien pour vous et pour les gens qui ont eu le même type d'enfance en Pologne avec vous. Oui, c'est vrai, pour moi, c'était vraiment quelque chose de complètement ordinaire. Et je me rappelle quand je racontais ça à Sylvain, et il n'en revenait pas de l'histoire de la carpe, d'autres histoires, des files d'attente. En fait, il me disait par moments que j'ai l'impression que tu racontes l'enfance de mes parents qui sont nés juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui ont grandi vraiment dans la France d'après-guerre. Et donc, ce décalage, ça le perturbait un peu. Et c'est vrai que ça avait un côté exotique. Et maintenant, quand je rencontre des lecteurs, je m'aperçois aussi que pour eux, parfois, ils me demandent, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que vous inventez un peu? C'est pas possible. Et pourtant, je dis non, c'était le but, c'était l'objectif de cette bande dessinée, de raconter des vraies histoires. Et justement, dans ces vraies histoires, on retrouve pas non plus on sent pas une amertume, si on peut dire, par rapport aux événements, par rapport aux réalités qui sont là. C'est une enfance heureuse, dans le fond, qu'on découvre là-dedans. C'est au bout du compte, un côté ordinaire un peu à tout ça, dans des circonstances politiques qui sont pas nécessairement faciles, mais qui gravitent un peu plus autour de ça. Ça a été un peu le parti pris dès le départ aussi. Déjà parce que c'était des souvenirs d'enfant et qu'un enfant a tendance à vraiment vivre dans un univers un peu décalé par rapport à la réalité des adultes. Les problèmes des adultes sont pas nécessairement ceux des enfants et inversement. Donc ça nous semblait important de le mettre en avant. Et effectivement, il y avait ni une nostalgie profonde, ni une critique profonde de ces années-là, mais juste la vie quotidienne d'une petite fille qui grandit entourée par ses voisins, sa famille, et dans un contexte qu'elle ne comprend pas toujours. Donc c'était un peu ça le principe, vraiment rester au niveau de l'enfant. Et souvent, en fait, le parallèle spontanément quand on entend peut-être ce type de descriptif-là, c'est de faire le lien avec Persepolis, par exemple. Mais par contre, j'ai l'impression que dans le résumé, en quelques mots, il y a des similitudes, mais inversement, dans Persepolis, ça me semble être l'auteur adulte qui raconte son enfance, tandis qu'ici, Marjana Sava et vous, Sylvain Savaya, ben, on replonge dans ce qu'était la petite fille de 6 ans, de 12 ans, et on essaie de retrouver sa voix. Donc, c'est pas vraiment la même chose, c'est pas du tout la même chose. Ben, pour nous, non, ça nous semble pas être la même chose, c'est clair. C'est vrai que Persepolis, il me semble que c'est vraiment une adulte qui se penche sur ses souvenirs d'enfance, donc elle a son point de vue d'adulte en sachant très bien ce qui s'est passé après. Nous, on voulait vraiment se mettre dans la vie de cette petite fille, et Magena l'a écrite comme si c'était au présent, en fait, et sans savoir du tout ce qui se passerait après. Des fois, c'est frustrant parce qu'on a envie de dire, bah oui, après, c'est passé ça, tel personnage, il lui arrivait tel truc et tout. Mais on ne voulait pas changer ce point de vue, et on voulait garder cette fraîcheur de regard. Et donc, on avait vraiment envie d'être dans ce, comment dire, cette hauteur d'enfant. Et surtout aussi, on voulait, je sais plus ce que je voulais dire, ça m'échappe. J'ai un trou, c'est pas grave, je le dirai après. Mais en fait, je suppose quand même sur ce que vous dites, dans la mesure où on parle donc de raconter à hauteur d'enfant, est-ce que c'est y a une facilité à essayer de retrouver justement la perspective qu'on pouvait avoir des choses quand on avait un âge XYZ, donc de retrouver la petite fille en nous, entre guillemets? Mais c'était très très bizarre, mais c'est venu très naturellement, en fait. C'était tout simplement, Sylvain m'a dit, mais pourquoi tu écrirais pas tout ce que tu me racontes, un jour tu l'oublieras, ça serait normal, même on peut pas emmagasiner tous les souvenirs qu'on a. Et en fait, je me suis dit, oui, peut-être il a raison. Donc comme j'avais pas de travail à ce moment-là, j'avais terminé mes études, j'ai commencé à écrire mes souvenirs, et en fait tout est venu très naturellement. En fait, tout était là, il a suffi juste que je commence à écrire, que je me penche là-dessus, et puis tout est venu comme si c'était vécu hier. Et parfois, j'avoue que, parfois, pour vérifier certains faits historiques, je demande à mes parents ou à mes tantes, à mes oncles, et puis tout le monde me dit, mais c'est quand même incroyable, c'est toi la mémoire de notre famille, t'as une tête, qu'est-ce que tu contiens là-dedans? Et donc, je pense que, quelque part aussi, j'ai une bonne mémoire, c'est pour ça que je parle bien français, alors que c'est pas du tout ma langue, et que la langue dans laquelle j'ai écrit Marzi, c'est quand même français, j'écrivais pas en polonais pour traduire après. Donc c'était vraiment comme retrouver mon enfance avec ce filtre de la langue française. Et donc, en même temps, avec le recul, j'imagine que c'est ce genre d'éléments qui est peut-être plus facile aussi, parce que vous habitez en France, et vous avez commencé à créer ça, justement, en français, en France. Est-ce que le fait d'être ailleurs que chez vous, entre guillemets, que dans votre pays d'origine, disons-le plutôt comme ça, est-ce que ça vous a permis aussi peut-être d'avoir ce recul ou cette conscience de peut-être plus affirmer que de ce que vous êtes, de qui vous êtes, que quelqu'un qui a toujours resté dans le même milieu, qui n'a jamais été habité ailleurs? Je pense que la distance, effectivement, géographique aide beaucoup, comme la distance temporaire. Je pense que, par exemple, maintenant, Marzi grandit, et au fur et à mesure, elle va retrouver ce que je suis maintenant, et ça me perturbe, parce que je sais que ça va être, je sais ce que je deviens. Et là, il y a quand même la Pologne, c'est plus le même pays, donc historiquement, ça n'a rien à voir. ça c'est une évolution. Et puis moi je suis plus une petite fille, et puis oui, je vis plus là-bas, donc c'est plus facile d'avoir un autre regard sur soi, sur ce qu'on a été, aussi sur le pays qu'a été la Pologne à ce moment-là. Et j'imagine sans porter, sans essayer de porter un jugement, où on se donne quand même un peu aussi à l'opinion, ou est-ce qu'on y va dans une perspective où on essaie de raconter des faits, des souvenirs, ou est-ce qu'on porte un regard quand même sur ces souvenirs-là, sur leur teneur, sur leur nature, sur les gens qui les peuplent? Je pense qu'au départ, Marzi avait un regard plutôt peut-être pas vraiment neutre, mais un regard d'un enfant qui essaye de comprendre ce qui se passe autour d'elle. Donc elle portait pas vraiment de jugement, mais petit à petit, on voit qu'elle commence à avoir aussi une voix. Et qu'elle commence à parler, c'est comme dans la bande dessinée, au début il y a énormément de voix off, et cette voix off, où Marzi, justement, elle raconte, elle n'est pas très participative dans la vie active de tous les jours, mais petit à petit on voit qu'elle commence à parler, il y a de plus en plus de bulles, et elle commence à se défendre, et peut-être effectivement à se créer son propre avis par rapport à ce qu'elle voit, à ce qu'elle vit, à son entourage. Effectivement, elle fait vieillir, au bout du compte, et un peu dans, quand on est jeune, quand on est enfant, on voit les choses passer, on les comprend pas toujours, mais en vieillissant, on en vient à les comprendre, on en vient peut-être un peu plus engagé aussi dans ce qui s'y passe, au bout du compte. Oui. Oui, au fil de la vie. Voilà. Et puis il y avait le fait que tu te rendais compte aussi que la vie, enfin, l'histoire de ton pays et la vie politique avait eu beaucoup plus d'influence sur ta vie que tu n'imaginais au départ, et qu'en racontant l'histoire de Marzi, tu étais obligé de plonger beaucoup plus dans l'histoire de ton pays. Parce que j'imagine, en fait, nécessairement, quand on raconte une vie dans un contexte d'un pays, ben, la petite histoire côtoie la grande. Forcément. Et on y retrouve, il y a les rappels, il y a les liens, il y a les... Tout à fait. J'ai retrouvé ce que je voulais dire il y a un instant, donc je vais juste le dire maintenant avant d'oublier à nouveau. C'est que ce qu'on voulait faire aussi beaucoup avec Marzi, contrairement à beaucoup d'autres bandes dessinées, c'était s'adresser vraiment à tous les publics, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et ça, c'était vraiment un principe de départ, d'être compréhensible là, sur plusieurs niveaux pour que les enfants puissent aussi lire Marzi. Oui, et permettre en même temps aussi dans le récit, justement, où il y a des trucs plus liés peut-être à la conscience et à l'état géopolitique de la chose, des trucs plus humoristiques, des trucs plus légers, des trucs plus lourds. Donc, un peu comme dans la vie. Comme exactement. Dans tout, ouais. C'est vraiment le reflet de la vie telle que Magena l'a vécu. Donc, il y a de tout. Il y a vraiment des moments très, très durs, je pense, et des moments vraiment très légers et très drôles. Et c'est pour ça que c'est un grand plaisir à mettre en scène et à dessiner. Et justement, au niveau des choix, c'est beaucoup... En fait, j'essaie de trouver le parallèle, peut-être, à quoi ça pouvait me faire penser. Surtout au début, comme vous dites, plus ça va, plus le personnage parle, mais au début, il y a très peu de bulles. C'est un peu presque, à la limite, un album de photos commentées qu'on découvre. Oui, c'est un peu ça. Oui. Qu'est-ce qui vous avait orienté un peu vers ce type de narration-là, vers ce choix-là? Parce que c'est quand même, ça oriente presque toute la perception qu'on va avoir du récit. Bah, c'est venu très naturellement, en fait. J'ai du mal à dire que ça a été vraiment quelque chose de très, très réfléchi. Ce que je sais, c'est que je voulais faire quelque chose de vraiment différent de ce que j'avais fait avant. Et avant, j'ai toujours travaillé sur des fictions avec d'autres scénaristes, et vraiment sur des histoires qui n'avaient pas beaucoup de lien avec la réalité. Là, le fait de travailler sur l'histoire de Magena, sur son enfance, sur quelque chose de très ancré dans le réel, avec des éléments parfois durs, l'idée, c'était vraiment de se dégager aussi d'un dessin réaliste pour ne pas plomber encore plus le récit, on va dire, et vraiment avoir quelque chose de frais et léger. Et comme... ce qui s'est vite imposé, en fait, c'est que Magena a vraiment une fibre littéraire et qu'elle écrit beaucoup. Et quand elle m'a donné ses textes à lire, je me voyais mal supprimer des pans entiers de ce qu'elle avait écrit pour juste le transformer en dessin. Donc j'ai voulu garder au maximum dans la mise en scène son texte, ce qui fait que voilà, ça a imposé un peu cette forme de beaucoup de textes narratifs et avoir plus peut-être cette image d'album photo commenté comme un journal intime et qui n'est pas vraiment une bande dessinée, mais un mi-chemin entre le livre d'illustration et la bande dessinée. Oui, et qui nous offre, en fait, j'ai l'impression, un contact direct aussi avec ce qui se passe dans l'esprit de cette jeune fille. Au bout du compte, on a un peu ses pensées, ses réflexions, sa narration. Donc, il n'y a pas de recul entre le personnage principal et le lecteur. Hein. C'est une proximité qui s'installe. Oui, je pense que la connexion, elle est directe. Et comme c'est une petite fille qui parle peu, c'était important de savoir ce qu'il y avait dans sa pensée et comment elle construisait son personnage, comment elle se construisait, comment elle grandissait dans ce monde-là. Donc forcément, on devait passer par le texte off. Et à l'intérieur de ça, Sylvain Savoya, j'imagine que pour un dessinateur, reste que donc on a un récit qui est écrit, qui à la limite pourrait aussi, en poussant un brin, se tenir tout seul dans un livre. Donc comment, en tant que dessinateur, on se dit, ben OK, il faut pas que je fasse simplement du dessin d'illustration, faut que je vienne apporter, faut que mon dessin vienne bonifier un peu ce texte-là, mais au-delà de simplement l'accompagner, dans le fond, qu'en soit aussi irrémédiablement, qu'il fasse avancer aussi le narratif, l'impressionniste, etc. Tout à fait, oui, c'est vrai que ça se pose immédiatement comme problème. Et l'avantage, c'est que ben voilà, on se connaît depuis 11 ans, on vit ensemble, et que donc forcément, il y a une perception de Magena très forte. Donc ça me permet de la connaître très bien, de la mettre en scène, même si je l'ai pas connue petite fille. Je sais très bien comment elle réagit, comment elle se comporte, quelles sont ses attitudes physiques, et ça me permet vraiment d'enrichir le personnage de cette manière-là. Donc il y a vraiment toute une on va dire chorégraphie de personnages qui est très importante à mettre en scène et qui est très très plaisante. Et ce qui est très fort aussi, c'est comme le texte se tient seul, mais ça me permet aussi moi d'aller me balader ailleurs, d'être un peu plus en décalage avec le texte et de pas du tout être redondant, en tout cas je l'espère, et de m'amuser aussi par le dessin à apporter vraiment quelque chose de différent et parfois même rajouter un petit gag ou quelque chose. Et ça c'est vraiment extrêmement agréable de pouvoir travailler de cette manière là. Et Magena disait tout à l'heure que au niveau du récit, donc on allait chercher des éléments historiques si jamais justement la mémoire était pas sûre. Est-ce que de votre côté vous documentez aussi au niveau visuel, est-ce que vous avez été sur le terrain voir un peu pour avant de vous attaquer à ça, ou au contraire est-ce que vous vous fiez plus entièrement sur une documentation photographique et les souvenirs de Magena? Ça va, ben c'est vrai que Magena est à la fois ma documentatrice essentielle, parce que faire les recherches en polonais ça serait très compliqué pour moi, et elle m'a emmené immédiatement bien sûr dès qu'on a commencé en Pologne, ce qui était déjà une grande découverte pour moi et un vrai plaisir. Mais surtout on avait fait la première histoire avant de partir, parce qu'il fallait présenter le projet, et dès qu'on y est allé, que je me suis retrouvé dans la situation de sa ville, de l'appartement de ses parents, j'ai vu comment tout était. Quand je suis revenu, la première chose que j'ai fait, c'est de recommencer la plupart des cases pour être plus proche de cette réalité, même encore une fois si c'est pas un dessin réaliste, mais avoir vraiment ce petit côté qui fait que on est en Pologne, qu'on sache qu'on est en Pologne et pas ailleurs. Oui, puis en même temps pour le lecteur, c'est important, j'ai l'impression, pour nous de sentir qu'il y a une véracité derrière ça, indépendamment du style de dessin. Autant qu'on sent justement que dans le récit, il y a une véracité aussi derrière ça. Est-ce que justement, on se donne quand même une liberté de romancer un peu des passages? Est-ce qu'on censure un peu par rapport à des personnages? Est-ce qu'on dit, ben ma mère a peut-être un peu l'air acariâtre, je vais essayer de l'embellir un peu? Ou au contraire, on y va sans nécessairement... Je pense que j'y vais à fond, mais c'est vrai que j'y vais à fond juste pour moi. Après, je sélectionne ce que Sylvain va illustrer. Et après, on se dit parfois que peut-être ça, je garde juste pour moi. Parce que pour moi, le premier album, c'était déjà comme une sorte de test pour voir comment j'allais appréhender après les lecteurs, par exemple les rencontres avec le public et tout, ce qu'ils vont dire par rapport à ma vie. Et donc, je savais qu'après, c'est pas que je commence parce que ça dure déjà plusieurs années, mais j'essaye de maîtriser ça et d'équilibrer ça, parce que c'est quand même ma vie privée. J'ai pas envie non plus de me mettre à froid avec ma famille, et puis voilà. Mais quoi qu'il en soit, les gens qui sont dessinés par Sylvain, ils trouveront toujours que quelque chose ne va pas. Soit ils sont trop gros ou trop maigres, jamais ils diront ça, mais soit ils sont trop gros, ou par exemple la nourriture qu'il a dessinée, les pierogis, les fameux raviolis, c'est pas du tout la taille, ça ressemble pas du tout à ça, alors que dans mes souvenirs c'était vraiment ça. Je pourrais leur montrer des photos pour prouver ça. Donc il y a toujours un truc qui va pas, mais bon, c'est plutôt rigolo, parce que je sais qu'ils sont quand même très très fiers, et ils disent que ouais, c'est vraiment, ils ont eu toujours une vie banale, et ils essayaient de se battre chaque jour pour avoir de la nourriture, et puis là d'un seul coup ils deviennent des héros d'une bande dessinée, ce qui est incroyable pour eux. Oui, et en même temps, à travers justement, sous une citation un peu classique, mais c'est tellement empreinte de vérité, c'est plus on est dans le personnel, plus on devient universel. Et dans ce cas-ci, même si aussi on parlait au début du côté exotique entre guillemets de la Pologne versus d'un côté et de l'autre du mur dans le fond, mais d'un autre côté il y a aussi des ponts nécessairement entre mon enfance et la vôtre. Quand je dis la vôtre, j'imagine entre celle de Sylvain et la vôtre, etc. Donc on retrouve une certaine universalité là-dedans, parce que l'enfant reste l'enfant. Oui, c'est vrai, j'ai pas mal de retours justement, comme Merzi s'est traduit aussi en polonais, j'ai pas mal de retours des polonais ou même des étrangers qui ont vécu un peu en Pologne pendant cette période-là, et ils disent que c'est vraiment, c'est ce qu'ils ont connu de cette vie-là. Et... Oui, donc ça me rassure quelque part que c'était juste, j'étais pas la seule à avoir une enfance comme ça. Parce que même si, voilà, j'ai vécu dans un HLM, au cinquième étage, et qu'on n'avait rien dans les magasins, et qu'il y avait le régime pas très chouette, je voulais quand même montrer que ce qui n'était pas chouette dans ma vie, c'était que j'étais une fille unique, et que c'était pas juste le régime communiste qui était un problème. Parce que même si on avait 5000 oranges, peut-être je mangerais quand même pas, parce que j'étais pas quelqu'un de gourmand. Donc on s'en fichait quand même quelque part. C'était pas non plus, peut-être, le souci principal. Et c'était quand même une enfance où j'avais qui était heureuse, qui était insouciante. En fait, c'est juste là que je m'en rends compte. En fait, quand je la regarde justement de la perspective de quelqu'un qui aspire à être français. Et parallèlement, j'ai l'impression aussi quand on parle de la Pologne de l'époque, on en parle où on a peu de témoignages, peu de souvenirs de la grande actualité internationale versus par exemple Berlin, où ça a peut-être été plus spectaculaire, ou je sais pas trop, où parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers là-bas, ben il y a eu des résonances autres, tandis que d'une certaine façon la révolution polonaise s'est fait peut-être un peu plus entre polonais, si on peut dire. D'un côté, je pense qu'effectivement la Pologne avait peut-être moins d'importance pour ça, mais d'autre part, je pense que ça s'est passé un peu tranquillement. Et dès qu'il y a du bruit, comme le mur qui est tombé, c'était quand même quelque chose de très spectaculaire déjà à voir. Et chez nous, c'était tout le monde s'est assis autour d'une table ronde pour discuter. C'était beaucoup plus calme. Et c'est peut-être pour ça que c'est passé un peu inaperçu. Mais bon, c'est pas grave finalement. Finalement, tout le monde est libre. C'est une question de timing aussi, parce que ça s'est passé quelques mois avant la chute du mur. Donc effectivement, l'actualité a vite pris le dessus par rapport à Berlin. Et on a oublié très vite que la Pologne était les précurseurs, voilà. Mais en même temps, ça nous renvoie un peu, on parlait de la petite histoire tout à l'heure, mais justement, si vous dites que ça s'est fait tranquillement au fil des années, ben c'est en regardant le quotidien qu'on se rend compte progressivement, j'imagine, des transformations, quand on y repense. Oui, tout à fait. Mais quand je dis que ça s'est terminé doucement, tranquillement, sans vraiment beaucoup de bruit, il faut dire quand même qu'il y a eu pas mal de sang versé, donc c'était pas non plus très tranquille. C'est pas la révolution tranquille non plus, on s'entend. Oui, oui. Et justement, j'imagine, en termes de récit, donc on parle d'un personnage qui vieillit, j'imagine que le fait justement d'avoir fait cette décision-là, ça ouvre la porte aussi à trouver peut-être plus aisément des anecdotes, à se renouveler, à pas être obligé de se mettre devant la nécessité de l'invention pour continuer éventuellement à faire vivre la série, mais au contraire d'aller puiser dans différents types de souvenirs, différentes périodes. Pour Marzi, on va continuer dans à peu près dans le même esprit. Le personnage grandit, et puis le pays aussi grandit, c'est ça, et change, exactement. Donc on va voir l'évolution des deux. Et puis oui, là on est déjà sur le tome 7, on a commencé à travailler là-dessus, et on va changer un peu de narration, oui. Mm-hmm. Donc comme je disais, Marzi va parler de plus en plus, et elle va être de plus en plus, pas forcément rentrer dedans, mais c'est une ado, donc forcément quand on est ado... Et côté anecdote, mais si vous seriez resté simplement à la période de l'enfance ou de la petite enfance, ben, à un moment donné, la source se tarit, tandis que là, en changeant d'âge, ben, on a d'autres... Mais c'est vrai que quand on est parti sur l'idée de Marzi, on avait dit tout de suite, on va faire trois albums. On va faire un album sur la petite enfance, sur l'adolescence, et puis sur le fait que Marzi quitte la Pologne et arrive en France. Et donc voilà, on est au septième album et on aborde à peine l'adolescence. Donc on est parti pour quelques albums quand même, parce que Magena a une très bonne mémoire, donc du coup ça fait une grande série, beaucoup plus grande qu'on imaginait. Et le septième, on le prévoit pour quand à peu près? Il est pour à mon avis pour la rentrée. Pas pour la rentrée, pour l'été 2014, voilà. Donc, à surveiller. Et parallèlement, évidemment, vous ne travaillez pas que sur Marzi, il y a des projets parallèles et d'autres trucs. Peut-être, rapidement, terminant, qu'est-ce qui s'en vient de votre côté? Sur quoi vous travaillez? Peut-être, Magena, ça va? L'année dernière, j'ai eu un album qui est sorti avec Sandrine Revel. Ça s'appelle « N'embrassez pas qui vous voulez ». Ça parle des années 50. Oui, des années 50, oui, tout à fait. C'est l'époque stalinienne. Ça parle un peu de l'enfance, de la censure et voilà, c'est toujours un peu dans l'esprit polonais, en tout cas, le pays du bloc de l'Est. Et puis, tu es sur d'autres projets aussi. Oui, je travaille aussi, enfin, pas mal sur la Pologne, en fait. Il y a toujours la Pologne dans le fond, donc je travaille sur un projet qui parle de l'insurrection de Varsovie en 1944. Et l'album, si tout va bien, sortira l'année prochaine avec un dessinateur polonais. Puis je travaille aussi sur les albums pour la jeunesse, mais pour l'instant c'est plutôt c'est édité surtout en Pologne, et maintenant ça va sortir aux États-Unis, en France c'est un peu plus compliqué. Et puis d'autres projets en cours, mais je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Et de votre côté, Sylvain Savoyard ? Bien, moi, j'ai terminé plusieurs séries avant Marzi, et maintenant, je me suis attaqué à un diptyque chez Dupuis, aux éditions Dupuis aussi, qui est dans un registre radicalement différent, puisque ça parle de l'esclavage dans l'océan Indien au XVIIIe siècle, donc avec un dessin radicalement différent de Marzi aussi. Et là, pour la première fois, je suis tout seul aux commandes. Alors, on attend ces titres, évidemment, et d'ici là, ben, on a quand même 6 tomes de Marzi à se mettre sous la dent. Alors, Sylvain Savoya, Marjana Sova, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. On se dit donc à la semaine prochaine. On aura l'occasion de jaser avec Jean-Dominique Leduc des Anécros, également avec Sviane des Deuxièmes. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine pour La Vie en BD. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.